بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنوي بالتدريبات. الإكزرسيس كيتي بور أجوردي. صح؟ نعم طيب. كان من الخامس لا الخامس سي زار الخامس اي نعم البرومي صح قال طيب اجيب عن الاسئله قال هل سيشتري مصطفى واحمد الأحذية من قسم الملابس؟ لا لا سيشتري من قسم آخر سيشترياني سيشترياني لا منو كم لعنو ديال بريسيدي فكتعمل الضمير لا سي مثنى سيشترياني من قسم آخر يبغون شي نوتر قسم طيب أحسنت ثانيا ماذا يفضل حسنون أن يشتري أولا كيف كي حسن كيف يشتري يفضل أن يشتري أن يشتري الملابس أولا تمام إذا أبغى أشتري ملابس ثالثا إلى أين سيذهبان بعد شراء الملابس وانت سيغنط وانت لألي أبقى لأشتري ملابس vêtements. Faire des chirurgies malades Aïe, pourquoi c'est pas malabissa? À la base, il est marnoum le sens. Ça? Pourquoi là, il y a une kasra maintenant? Est-ce qu'il est moudon filéi ou est-ce qu'il y a elle, kazalik? Est-ce marnoum le sens? Si elle rentre dedans, il est moudon filéi, il est majoure avec une kasra. Après, on se rend au lieu de vente des appareils électroniques. هل سيأخذ اختيار الأحذية وقتا طويلا؟ Est-ce que le choix des chaussures va prendre beaucoup de temps, un longtemps? Alors c'est طويل, mais nous on va dire longtemps. لن يأخذ أيوة. لن يأخذ لا. لن c'est un حرف النصب. Donc le fait qu'il y ait un منصب. لن يأخذ. C'est parmi les حروف النصب. Pendant une semaine, dans la ce qui rend le film mansoub et le alama du nasb à la base c'est la fatha à la base après il y a d'autres choses qui le remplacent لماذا طيب ça ne prendra pas longtemps لماذا هذا السوق منظم pourquoi est-ce que ce souk est ordonné wa alaykoum salam لأنه كل قسم من أقسامه يبيع نوعا خاصا لأن إيش قلت لأنه علب له لأن كل قسم تبعض عنده لأن كل قسم جاء اكتمع لأن كل قسم من أقسامه يبيع نوعا خاصة من أنواع السلع خذ تفاز تمام chaque rayon parmi les rayons vendre des types particuliers de sortes de marchandises. Ça marche. De produits, non. أين مكان بيع الساعة ou le lieu de vente des montres. مكان بيع الساعة إلى اليمين. على اليمين. Et là, tu pouvais répondre huwa ala al-yamin directement. Il est sur la droite. Hal yujadu qismun li bay' al-mawad al-ghidha'iyya? Est-ce qu'il existe un rayon pour la vente de produits alimentaires? Non. Bien qu'il y ait un peu de suffisant. Maza yara Mustafa ala al-yasar? Qu'est-ce que Mustafa voit sur la gauche? Tu les as oubliés. Parce qu'elles sont derrière, tu les as pas vues. Maza yara Mustafa ala al-yasar? Vas-y, improvise. Ala al-yasar. Ra'a Mustafa ala al-yasar. Qismun. Qisman. Non, il voit sur la gauche un rayon qui vend les produits ménagers domestiques. Je prends domestique. Ouskour bard el ajiza el kahrabaïa. C'est certains appareils électroniques. La radio. El misière. Ailleurs. Fallaja, le réfrigérateur. La rassala, la machine à laver. La rassara, c'est quoi le rassara? Ça vient de rassara, je veux dire pressé. Mixeur. Rassara, c'est le mixeur. Où est-ce que c'est? Taïf. Arsanta. Barakallahu fik. Al-Khamis. Là, c'est remplir les trous. Avec les mots qui conviennent. اقرا الجمله الاولى تفضل مباشره رايك لمو افضل هذا لاننا نستطيع التجوال بعد ذلك اقسام السوق الاخرى donc là c'est adjoint le mot qu'il fallait mettre tu peux faire cela car nous pouvons nous déplacer après cela dans les autres rayons du souk ثانيا وقسم ثالث لبيع Tu as le gym? Ce rayon, le troisième rayon, c'est la vente de produits et Donc, ensuite. Ah, ça c'est Mahal, c'est ça? Ouais. Non, Mahal qu'il fallait mettre. Ensuite, on va. Nous rendrons au lieu de vente tout appareil électronique. Arabian. Wa'ana Aidon, Ara al Yasari, Qisman Yabayi. Yabayi. Yabayi. Adwati, Menziliyati. Moi aussi, je vois. Sur la gauche, un rayon qui vend les équipements domestiques. À quel âge ? Khamisan ? Non. Tarjim ? Et tous les rayons, parmi les rayons du magasin, vendent la marchandise. Non, spécifique, spécial. طيب السابع. يقول دع أسئلتين الإجابات التالية. Là, c'est donner la réponse, la question, la réponse. نعم هذا السوق منظم. Oui, ce souk est ordonné. C'est quoi la question? هل هذا السوق منظم? Tout simplement. On a dit qu'en نعم لا, ça vient avec par هل ou أ. يفضل مصطفى التجول بعد ذلك. مصطفى préfère ce déplacement ou la promenade après cela. متى يفضل مصطفى التجول؟ نعم متى. أحسنت. ثالثا سيشتري مصطفى الأحذية من القسم الثاني. مصطفى va acheter les chaussures du deuxième rayon. من أين سيشتري مصطفى الأحذية؟ نعم دو va-t-il acheter الأحذية. اختيار الأحذية سهل لأن أنواعها كثيرة. Le choix des chaussures est facile car elles sont de beaucoup de sortes. La question n'était pas logique. Du moins, la réponse n'est pas logique. لماذا اختيار الأحذية سهل؟ Pourquoi le choix des chaussures est facile? Non. La règle, la question par لماذا, sa réponse est لأن Après, tu mets le domir qui va avec Yannani, Yannaka, Yannaha, Yannahum, il a rien d'arrivé. Khamisan, yufaddil Mustafa Shira al Jawahir al An. Que Mustafa préfère acheter les pierres précieuses maintenant. Mata yufaddil Mustafa Shira al Jawahir. Non. Tout ce qui est lié au temps, c'est Mata. Mata. Sadisan, qismu biya as-sa'at ala yaminina. Que la. Le rayon de vente des montres est sur notre droite. Ava. Afamin. Irbit el jumal taliya bima yunasibu wa mimma yali min huruf. Non, on l'a fait celui-là, non? Comment? On n'est pas fait celui-là? Non. Taïb. Là, il faut mettre les huruf qui correspondent à la place. On a li, on a ala, on a min, on a thumma, on a fa. Tfadzal. نفضل هذا لأننا نستطيع التجوال بعد ذلك. نعم. Parce que là, quand nous pouvons déplacement après cela. ثانيا. وأنا أيضا رأى على يساري قسما لبيع الأدوات المنزلية. نعم. Moi aussi, je vois sur la gauche un rayon qui vend. ثالثا. Restez على صح. نشتري الملابس من هذا القسم. On va acheter les vêtements depuis ce rayon. On dit depuis nous en français. À la base des mines, c'est deux ce rayon. رابعا. إنني أفضل أن نشتري الملابس أولا، ثم نذهب إلى محل الأجهزة الكهربائية. كهربائية. Oui, je préfère acheter les vêtements maintenant. Ensuite, Thumma, c'est ensuite, Hafarat, nous nous rendrons au magasin qui vend les équipements électroniques. Khamisan. À la base, c'est Mounavvamoun. On va dire mettre à Tanouin. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. فكل قسم من أقسامه يبيع نوعا خاصا من أنواع السلع. نعم. Que ce souk est organisé et chaque là le fa là c'est harf à ce moment là c'est une infia, c'est une nouvelle phrase qui commence derrière. À la base le fa c'est harf atf comme le waw yufidu at-ta'qib wa tartib, c'est-à-dire le fa à la base c'est un harf qui a pour sens que ce qui vient derrière le suit bien après et directement. Par exemple, tu dis Dia Mohamedun fa Zaidun. C'est-à-dire que Mohamed est venu juste après Zaid. Et des fois, ça peut avoir d'autres sens. Et le Taqib, il est Nisbi. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux dire par là. Mafalan, tu dis Tazawwaja. Tazawwaja Zaidun. Imra'atan. فولدت له que Zayd s'est marié avec une femme et qu'après elle a accouché de lui. Est-ce que l'accouchement est directement après le mariage? Il y a 9 mois minimum en général. Après il peut avoir une prématurée, bon, c'est autre chose. Faites-les bien pour dire que directement après s'être marié, peu de temps après le mariage, sa femme est tombée enceinte, elle a accouché. C'est ça que ça veut dire. Mais en 9 mois, c'est pas un temps qui est simple, c'est relatif, c'est relatif. Khamisan. Aïe, non, il y avait que ça. Il y avait le 9 aussi, tu vois qu'il y en a un peu d'or, c'est vraiment. Aïe, ouais, ça. C'était le bonus, comme on dit. Aïe, tfaddal, istamil kul kelimatin kelimat taliya fi jumlatin mufida. Les mots suivants dans une phrase. Tu lis ta phrase et tu la traduis. Zaydoun, ishtara, malabisan, thumma. Hein, ishtara, ish? Malabisan. Malabisan? Là. Non. Non, mais sauf. Il n'y a pas de tanouin. Malabisa. Malabisa. Thumma tawajjala bayna al-mahallat. Thumma ish? Tawajjala. Tajawwala, tu veux dire. T'as avancé le waw sur le jim. Tajawwala. Non, c'est tajawwala. Tajawwala, ouais. pas tawajjala. T'as dit quoi, toi? Non, non, j'ai écrit tawajjala. Ah non, c'est tajawwala. Tajawwala, j'ai écrit tajawwala. T'as, t'as lu tawajjala. Je pense à tawajjala. Ah, tawajjala, c'est tajawwala. Ça fait penser à ça. Oui, j'ai marqué tajawwala. Non. Donc, lui, Zayd, il a acheté les vêtements et ensuite s'est promené entre les magasins. Après. Après ذلك, ذهب إلى سوق منظم. Après ça, il est parti vers le, un souk organisé. Enfin, voilà. Et ce souk, توجه إلى قسم الأدوات المنزلية. الاختيار ما أخذ وقتا طويلا لأن كان قسم خاص. لأنه لا من أفضل تمت له. لأنه. كان بدون اسم. لأن le أن il est بدون اسم. كأنه قسم. Je comprends pas des fois on n'est pas besoin de mettre لأن. Tout à l'heure je te rappelle. J'ai mis là. Mais après je te dis كل. Ah, ouais. Le ism il était là, mais là t'as rien, t'as un verbe qui vient derrière. T'as quand derrière, t'as ken, t'as dit lienna ken, t'as dit. Ah ouais. Il est où son ism? Anna. Liennahu, non. Liennahu. Anna, il lui faut un ism. Là, j'ai. Ah, je l'ai mis en plus. Tu l'as mis où? Ah, mais je l'ai. Liennahu. Liennahu. Azahu. Liennahu kana qismun khassun. Liennahu kana qisman. Ah mince, j'essaie de faire ça. Qu'est-ce que il est khabar kana. J'ai vu exprès la tourner comme ça pour que... Il est khabar kana. Et kana... Je t'en sais pas. Le khabar ou t'en fais l'ism. L'ennahu kana qisman. C'est, tu apprendras plus tard, inshallah, l'yaïk. Khassun. Ensuite... Khassan. Ah bah du coup... Parce qu'il est sifa de... Qisman. ولما ولما خرج من هناك وجد شخص وباع شخصا شخصا مخل به وباع له مذياع عن ترجم جملتك. Traduit ta phrase. Et quand il est sorti d'ici, il a, quand il est sorti de là-bas, il a trouvé un homme qui lui a vendu une radio. Char, c'est souvent une personne ou un individu. Non. Voilà, je crois qu'il manque. Ah oui. Voilà, j'ai un fibéité. Il manque le silla. Voilà, j'ai un fibéité. Il a. Raja, il est bêti. Il est revenu vers sa maison. Ma sila. Ma sila. Sila, c'est le djan. Sila à tout. Ma sila, avec la marchandise, le produit. Ma sila. Taïe. Pas mal. Tambi. Kul. Asharati. Dorosin. Nakuz Murajatan. Nel. Kelimat. Tous les 10 cours. On prend une Muraja. Du vocabulaire. Ou tous les 10 ou tous les 5. Parce que 10, ça fait un peu long peut-être. Ça fait oublier. Tous les 10 ou tous les 5, on va voir, Inch'Allah. Donc toi, Dimen, tu carrures, tu radies al-kalimat al-jadida. Min aham al-kitab, d'avoir du vocabulaire. Après, à force de parler, Inch'Allah, les phrases vont se faire au fur et à mesure. Biznina ta'ala. Aïe. Enfin, n'a qu'il y a un lion. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.